On roule les R, on roule le machin. J'arrose les douaniers comme un hydravion. C'est le retour de l'iguanon. J'roule des mécaniques comme Aldo Marchion. Comme dirait mon père, j'suis beau comme un camion. Au micro, j'ai la frite, j'ai la pêche, j'suis frais comme un gardon. Le machin, dans le froco ou dans le faux plafond. T'as le caca collé au caleçon, t'es un gros plafond. Braté, mon vrai blast, c'est Nicolas Koloff. J'ai le machin sous le polo de golf, comme dans Duty Call of. J'ai des fourrailles d'entrée, vendeur à taille manger. Ça se met des rails dans le nez, j'boxe comme un Thaïlandais. J'entame une descente aux enfers, j'vais aller gambader avec des petits gros, des grands dadés. J'consomme ce machin depuis tant d'années. Officiel, remballez vos opinels, vos grands arrêts. J'débarque en ville sur l'avenue et j'ralentis puis capture. Des charmantes filles, des femmes mûres, c'est garanti sur facture. On choisit ses amis, on choisit pas ses voisins. On choisit pas non plus la taille de son machin. Tu veux du machin, combien, 10 ou 20? J'joue pas les malins, où on te sort le machin. On choisit pas d'être blanc, noir ou sarrasin. L'important dans ce machin, c'est de porter ses machins. On choisit ses habits, sa femme ou son parfum. Mais on choisit pas de finir ses jours au machin. Le machin, les matériaux. Mais Dieu merci, elle brise pas les favelas de Rio. Ça fait go quand le machin abat l'hélico. J'suis sexuellement éduqué par Olivia de Rio. Donc tu bois avec brio. C'est pas roulette russe, c'est roulette brésilienne. Attaque l'état speed luxe, masseuse esthéticienne. Mes plaques excuses, j'retiens ni le plaque des rappeurs ni le place des buts. Que les plaques des stupes. Là pour le machin j'me lève aussitôt. Petit toxico, viens chercher bonheur comme Chico. Dans le répertoire de Bolos, au nom de Roberto Carlos. Parce que le machin c'est de la frappe, c'est Cuevinho Ramos. Pense calmement, place aux types les plus déter. On parle de sang, la police est sur les nerfs. Mon rap de franc, maçonnique et funéraire. Bombardement, atomique et nucléaire. Montagne de blanche, narcotique c'est plus mes rêves. Le machin est grave toxique, l'ambiance est chaotique. J'finis ça et frappe fort comme Trinita. Mes petits ninjas veulent faire la fête à Ibiza. On choisit ses amis, on choisit pas ses voisins. On choisit pas non plus la taille de son machin. Tu veux du machin, combien, 10 ou 20? J'joue pas les malins, où on te sort le machin. On choisit pas d'être blanc, noir ou sarrasin. L'important dans ce machin, c'est de porter ses machins. On choisit ses habits, sa femme ou son parfum. Mais on choisit pas de finir ses jours au machin. Yeah, c'est Jax. Neo Chrome All Star, Zeke Ramos, I Chapeau DE.